C'était pas fatigant hier, non? Est-ce qu'on peut enlever ça, non, comme ça? J'ai peut-être dit ça parce qu'on va mettre les shorts, non? Quel short? Les shorts. Il y aura les shorts. Non, non, les shorts pour... C'est le souci de me faire ça. C'est pas mon frère, mais non, c'est jamais ça. Il faut enlever comme ça facilite la tâche. Non, non, non, c'est pas ça. C'est ça, non? Ah, non, c'est dans mon sac, je vais le mettre. Non, ça va, j'ai fait comme ça. Voilà. Ouais, c'est là, c'est bon, non, non? Donc, vous êtes venu à. Vous êtes préparé déjà à choquer. Ah, que Dieu nous bénisse. Vous savez, beaucoup de personnes croient que lorsqu'on délivre, forcément, il faut que le démon sorte en tombant. Et par conséquent, donc, les pasteurs du Bénin font tomber seulement les gens, que 5 personnes vont tomber maintenant. Tombe seulement. Comme les femmes aiment tomber, elles tombent seulement. Elles rentrent encore chargées. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il y a encore des gens qui sont en route. Je sais qu'on va commencer à travailler en attendant qu'ils viennent, d'accord? Parce qu'il y a des choses précieuses dans la parole là que le Seigneur a pour nous. Comme ça, on... Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes venus nombreuses ici à cette session, particulièrement la soeur qui vient de l'Italie. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ok, c'est bon. On peut commencer. Prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour cette matinée merveilleuse que tu nous accordes encore. Seigneur, merci Père pour ces personnes qui sont venues, non pas pour m'entendre, mais pour toi. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu leur accordes selon ta grâce, ce que tu as disposé pour chacun de nous ici aujourd'hui. Père, tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu. Nous te remercions parce que tu es au milieu de nous. Et nous savons que quand tu viens au Dieu de gloire, c'est pour que nous soyons édifiés et nous te connaissions davantage. Merci pour cette merveilleuse ville. Merci pour ce pays, Père de gloire, la France, où tu as permis que nous mettions le pied pour parler de toi. Que ton nom se soit élevé et souviens-toi de tous ceux-là qui sont en route, qui viennent encore ici à cette réunion. Je prie au Père de gloire qu'ils ne viennent pas dans une autre réunion comme les autres où ils vont souvent, mais qu'ils viennent pour changer pour ta gloire. Et je prie au Dieu de gloire que tu prennes la vie sous ton contrôle et que tu diriges leur cœur vers ton trône où tu les attires toujours vers les cieux. Que ton nom se soit élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'étais en train de surveiller pendant qu'il priait. Il y a une voice qui est venue là du Cameroun. Parce qu'en partant, j'avais laissé le numéro de. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir le numéro. Comment ils ont fait pour avoir le numéro de. C'est le frère Donald. Oui, mais donc, comment ils ont fait pour avoir ton numéro alors? Moi, mon numéro. Oui. Moi, je n'ai même pas compris. Ils ont certainement demandé à la soeur Carole, parce que la soeur Carole m'a dit hier que le frère de Gal est encore en contact avec elle. Oui, mais il y a un seul numéro, c'est-à-dire celle de l'Allemagne. Mais je ne comprends pas comment ça, on a fait pour la contacter. Moi j'ai appelé l'Allemagne et c'est la dame de l'Allemagne qui m'a donné le numéro de la soeur. Oui. Oui, alors mets dans le voice la voix, mets le voice, on entend, il veut vous dire quelque chose. Lâche là-bas, tu mets le voice. Attends, je peux mettre même ici, il y a le haut-parleur. Ok. Le haut-parleur peut se déplacer pour ici. Il faut le brancher, on peut le brancher. Ok. L'édition peut écouter, je pense. Ok, je ne sais pas si... Ah, pour moi, est-ce que tu peux brancher là-bas, tu mets le volume, voilà. Oui. Après, si je branche, c'est là, ouais. Mais après, tu prends ton téléphone parce que les gens peuvent te contacter. Ouais. Je vais entendre, je vais vous dire quelque chose qui se passe au milieu du nom. C'est bon, je peux lancer. Oui, lance. Bonjour, ma soeur bien-aimée. C'est la soeur Judith au Cameroun. Ça sonne souvent plus fort que ça. Oui, oui. Je ne peux pas le Vous entendez? Oui, je vais vous entendre. Amen, amen, non, amen, c'est passé. Bon, c'est pas de ça, moi, je peux pas. Mais là, c'est quand même comme ça, là. Mmh, c'est le premier. Mais je dis, parfois, c'est ça. Ça marche, ça va, non, ça va passer. Non, je dis le bas, là. Je n'ai pas de chose. Je m'en de connecter. Et tout à l'heure, là. Bon, je reprends. Mmh. Mmh. Bonjour, ma soeur bien-aimée. C'est la soeur Judith au Cameroun. S'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, je voudrais que tu communiques le numéro que je vais envoyer tout à l'heure là, au serviteur de Dieu. Parce qu'une fois, par prophétie, il a dit qu'il y avait une femme et son enfant avait une tête qui ne faisait que grossir de temps en temps, qui ne faisait que grossir de temps en temps, et qu'à l'hôpital, on devait dire que c'est le cancer, alors que ce n'est pas le cancer. Et qu'un bon jour, cette tête-là, ça va s'éclater et l'enfant va mourir. Bon, le frère Donald a rencontré donc la maman de cet enfant hier. Et c'est lui qui me donne le numéro comme ça d'envoyer dans le numéro du père de l'enfant. Et il a aussi donné le numéro du frère Junior à ce papa. Mais il a plutôt donné le numéro du Cameroun. Donc, dès que j'arrête là, je vais te communiquer le numéro. Merci, bonne journée dans la paix du Seigneur. Amen. Tu peux reprendre, ma soeur. Lisons un passage dans la Bible. Luc chapitre 13. Pendant que j'étais en prière, j'ai vu l'une des villes ici, l'eau était à un niveau où ça portait les voitures. Les voitures étaient bousculées par l'eau. Donc la France avait une inondation. Et j'ai surveillé un papier presse, les presses qu'ils écrivent. J'ai observé dans une presse, ils se sont posé la question, sommes-nous maudites? J'ai dit tout à l'heure, pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu l'inondation. C'est comme si c'était une inondation. Quand les commentaires que j'ai regardés, eh bien là, les commentaires que j'ai observés des journaux qui commentaient cet événement, ils sont allés dire, j'ai regardé, j'ai vu l'inondation, n'est-ce pas? Et l'inondation que j'ai observée et les commentaires qu'ils ont faits, c'est quelque chose d'historique. C'est-à-dire que c'est quelque chose de sans précédent. Au point où j'ai regardé dans une presse, on a dit, sommes-nous maudites? Des choses pèsent sur votre pays. Luc chapitre 13. Dans Luc au chapitre 13. Je crois qu'il n'y a pas une Bible pour le moment, si. Non, je ne saurais pas bien. Ok, ben, il n'y a pas de problème. Tu écoutes quand même, n'est-ce pas? Pourquoi le Seigneur t'a retenu ici pour cette nuit? Pourquoi il t'a retenu? Il va dire que j'ai dit que tu... Bon. Luc chapitre 13, verset 10 et suivant. Où est le verset 10 ici dans ce livre-ci? Regardez, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Alors, chapitre 19. De ce Ligurien. Je vais lire, vous expliquer quelque chose par rapport à ces voices-là avant de dire certaines autres choses. Jésus, chapitre 19, verset 1. Je crois qu'il ne faut pas qu'on commence la prière sans que tous ceux qui doivent être là, ils viennent. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Donc c'était un court type comme moi, comme ça. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Vous entendez? Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Vous saisissez, n'est-ce pas? Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen. Des questions se posent là-bas avec les deux lectures que nous avons faites. La foule qui suivait Jésus, de quelle nationalité était-il? Il dit les foules. Quand Jésus passe dans ce livre-là, on dit qu'il passait, il y avait tellement de foules au point où ce monsieur-là a couru pour aller dans l'arbre. N'est-ce pas? La foule-là, ils étaient quelle nationalité? Les Juifs. Les Juifs. Donc, descendants de qui? Pourquoi Jésus, de façon spécifique, dit que celui-ci était aussi un fils d'Abraham? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit d'appeler par fils d'Abraham? Bon. Si on place Zachée ici et les autres foules, est-ce qu'il peut dire la même chose de ces Zachées à cette foule-ci? Donc ça pose problème. Vous suivez, ça pose problème. Parce qu'ils sont sortis de tout cela. Il n'y a personne parmi eux qui, si on fait chaque fait un cadre généalogique, d'autres sont sortis de la tribu d'Issachar, de Joseph, de Manassé, de Dan, ainsi de suite, Zabulon. Tout le monde va faire, on va converger. Un jour, on va toucher Israël qu'on appelle Jacob. Et on remonte, on trouve Isaac. Et on remonte, on trouve Abraham. Donc, normalement, tous sont sortis d'Abraham. Mais il dit de façon spécifique que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Et il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et ceux-là qui sont en train de murmurer contre lui dehors, eux-mêmes sont perdus. Ils sont perdus. Mais ici, il dit qu'il est venu sauver ceux qui sont perdus. Je vais dire ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, effectivement, et ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui, il envoie sa parole pour appeler à lui ses enfants. Il a ses façons. Donc, je pense que c'est le cas de cette voix. Je suis en train de prier quand on est au Cameroun. Je vois dans la vision, je vois une situation qui se présente. Je vois une femme qui porte un enfant, la tête en train de grossir. Je regarde dans la vision que la tête en train de grossir. Lorsque je parle dans l'enseignement, c'est pour chercher cette personne-là. Hier, j'étais ici, j'ai dit en allemand, j'ai vu un homme qui est un peu comme s'il était fou, mais cette genre de folie-ci n'est pas venue. Là, on a envoyé ça directement. La personne, ça a contacté la personne. Là, ça s'est passé en direct. Vous voyez, je vois, et pas dans l'enseignement, dans un truc, j'ai dit, je vois quelqu'un, une femme qui a le mari est franc-maçon, il ne me connaît pas. Il peut faire des sacrifices et puis il vient, il fait transmettre le démon. Je vois ces choses, il dit, comment on va faire pour contacter cette personne? Je parle seulement pour que la voix la localise. Donc, c'est pour cela qu'en partant du Cameroun, j'ai dit, vous notez ce numéro. Quand c'est au cas, il y a un cas, vous faites signe. Alors, l'autre frère, il peut rencontrer certainement ces femmes-là, il dit, ok. Ah, je me souviens que le frère, j'avais dit qu'il y a un enfant qui est comme ça, qui est comme ça, comme ça, dans la localité. Donc, ça veut dire que le Seigneur veut faire quelque chose dans cette famille. Vous voyez, de façon spécifique. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de prier, j'ai vu le cas de la France tel que j'ai parlé. Donc, l'inondation historique en France. Puis, je me suis tourné là-bas, j'ai vu dans mon pays un style de personne, parce que j'ai vu sa voiture était noire. C'est comme si c'était la Mercedes. Mais j'ai vu sa maman, âgée, assise dans la Mercedes, mais sacrifiée. C'est-à-dire, dans une Mercedes la personne de transporter le corps de sa maman, c'est lui qui a assassiné. Et quand j'ai vu, j'ai entendu, c'est depuis jeudi qu'elle est décédée, qu'elle est dans cette voiture. Comment un être humain peut assassiner sa maman qui l'a accouchée? Et puis encore, sa maman est âgée, parce qu'il regardait sa maman, la maman était âgée. Il a assassiné, il a mis le corps dans la voiture, par suite du rituel. Mais est-ce qu'on a arrêté ce type-ci? C'est une question. Si on l'arrête, on n'arrête pas pour cela. Ça veut dire que ces choses ne vont pas sortir à la radio comme quelqu'un qui a assassiné sa maman. Mais c'est quelqu'un de bien positionné. Ça, c'est dans le pays, au Cameroun. Donc, le Seigneur Jésus-Christ connaît tout ce qui lui appartient. Et il ne passe nulle part pour rien. Si vous regardez bien la Bible, vous regardez ses itinéraires. Il ne passe nulle part pour rien. Il passe pour quelque chose. Il passe vers là où est bâtiment. Il fait comme s'il ne le voit pas. Jésus, notre Seigneur, est comme l'aimant qui passe à côté des clous, à côté des fers. Quand il passe, ses effets font, ça attire. Regardez cette femme-là dans la synagogue. Pour vous dire, si vous êtes dans n'importe quel lieu de rassemblement, vous pouvez faire la religion chaque fois, ça n'empêche pas le monde d'habiter dans vos corps. Vous avez remarqué cette femme-là? Chanter Alléluia. Dans ce temple-là, dans cette synagogue où cette femme, dans Luc chapitre 13, était, elle avait été là depuis 18 ans. Elle servait Dieu là-bas, elle ne venait pas là-bas servir Satan. Le monsieur qui s'est fâché de sa guérison là-bas ne servait pas Satan. Il servait Dieu. Mais le Dieu de la Bible qui servait l'a guéri là-bas, ils étaient fâchés. Mais vu que vous observez cette femme-là, vous observez qu'elle a souffert pendant 18 ans. On dit, c'est le Seigneur qui dit que, et cette femme qui a souffert, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Quelle chaîne? Donc Satan te laisse un certain degré de liberté. Un peu comme une chèvre, quand vous attachez une chèvre à un arbre. Quand vous la laissez, quand la corde est tombée, elle croit peut-être qu'elle est en train de brouter. Elle croit qu'elle est libre. Mais il y a une corde qui tient son cou. Juste à ce qu'elle voit quelque chose, qu'elle va avancer. Elle comprend que quelque chose la retient. Beaucoup de chrétiens sont donc comme ça. Vous tournez en rond, vous pouvez chanter Alléluia. Satan n'arrête personne de dire Alléluia. Tout le monde, même pas un peu dit Alléluia. En fait, un non-chrétien, quand vous dites Jésus-Christ, il dit Amen. Parce qu'elle a entendu qu'on dise Amen quand on dit quelque chose de la Bible. Il ne va pas vous empêcher de lire Jean chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde, vous dites un peu, un démon se. Il part. Il ne vous empêche pas de faire cela. Mais lorsque vous voulez avancer à un niveau donné, vous allez toucher la dimension de l'esprit. Alors là, il dit que ici, toi et moi, on va en découdre. Dans des familles dont ça se manifeste ainsi. Vous allez voir des gens qui tournent en rond. Mariage, remariage. D'autres accouchent à la maison. D'autres qui sont mariés n'enfantent pas. Vous dites, qu'est-ce que. Les gens tournent en rond. Essayez de sortir de cet étau-là. Vous voyez, il faut la délivrance. Et remarquez bien qu'il faut que le Seigneur lui-même vienne faire cela. Si ce n'est pas le Seigneur, personne ne peut délivrer. Si ce n'est pas le Seigneur, jusqu'à ce qu'il le fait, personne ne peut délivrer. Alors chacun peut trouver seulement les soulagements. Que j'ai pris tes choses, ça m'a soulagé. Si c'est là-bas, j'ai eu un peu de repos. Il ne faut pas que vous soyez soulagé des mots. Il faut que vous en soyez délivré. D'accord? Le Fils l'affranchit. Il a franchi. Il a franchi, effectivement. Et je crois que si nous sommes réunis ici, dans sa présence, et qu'il, s'il veut bien nous faire grâce de ce don aujourd'hui-là, qu'il se manifeste. D'accord? Amen. Donc, si vous voulez, donc, on va commencer maintenant. Oui. On commence? Oui. Je me pose la question si on aime vraiment le Seigneur. Vous êtes déjà posé la question là? Je me pose la question si on aime vraiment le Seigneur. C'est-à-dire que Jésus, vous ne l'avez pas vu. Ne me dites pas que vous avez les statuettes de Jésus chez vous. Donc, de toute façon, même vous avez cette statuette, ce n'est pas lui. Nous sommes d'accord. Ne me dites pas que vous avez sa mini photo quelque part que vous regardez en temps pour le voir. Ce n'est pas lui là-bas. Voilà. Donc, ce n'est pas lui. Alors, je me pose la question, comment parvient-on à savoir si on l'aime? C'est une question que je me pose. Je ne vous pose pas cela. Je me pose la question. Alors, je pose la question maintenant. Est-ce que vraiment nous l'aimons? Là, il faut qu'on commence à se poser la question. Est-ce que vraiment j'aime le Seigneur? Ou bien, lui, qu'est-ce que lui dit? Ou encore, est-ce que nos actions prouvent qu'on l'aime? Vous me suivez? Ok, ouvrons le livre de Luc chapitre 2. Puisque nous sommes dans Luc, justement. Luc, le chapitre 2. Luc, le chapitre 2. Je crois que ceux qui vont venir vont seulement perdre cette partie-ci. Hier, nous avons été bénis, n'est-ce pas, frère? Amen. Nous avons suivi, comme il a dit, que nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Et c'est quand même curieux que les chrétiens continuent aujourd'hui de vivre leur vie chrétienne comme si de rien n'était. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas qu'on leur prêche la parole ainsi. Ils aimeraient être dans un milieu où il y a la foule, où on joue la musique là, ils noient les soucis d'une certaine façon. Donc, ils essaient d'oublier qu'ils ont des problèmes. Vous ne pouvez pas oublier. Quand vous allez rentrer chez vous, votre problème sera face à face avec vous. Régler le problème d'être enceinte. Quand vous dormez, vous êtes sûr d'être avec le Seigneur. Quand vous vous réveillez, vous êtes sûr d'être avec le Seigneur. Que vous soyez dans votre bureau, n'importe où, si le Seigneur vient, vous partez avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il faut vérifier ces choses-là depuis la base. D'accord? On avance. Luc chapitre 2. Disons à partir du verset 41, et puisse le Seigneur nous donner vraiment un sujet là maintenant. Bon, comme vous avez le fait pour noter, notez Colossiens au chapitre 4. Colossiens au chapitre 4. Colossiens, le chapitre 4. Apocalypse chapitre 10. Donc, si vous notez, et comme ça on va en parler dans ces quelques versets. Nous avons vraiment besoin vraiment du Saint-Esprit. Tellement, on est tellement malmené où vous entendez quelqu'un dire que je m'en vais à la délivrance. Vous entendez des choses choquantes. Des choses choquantes où, si les apôtres, c'est, les apôtres de la Bible s'élèvent là, c'est avec les saints qui vont fouetter les pasteurs aujourd'hui. Vous entendez comment quelqu'un peut prendre 500 euros pour pouvoir délivrer quelqu'un? Ce n'est pas la malédiction qu'il cherche. Vous dites, pour aller rencontrer un homme de Dieu, il faut préparer l'enveloppe pour le recevoir. Pour qu'il vienne, il faut payer son carburant. C'est quel genre de sorcellerie? Alors on se retrouve là-dedans en plein. Comment? Que Dieu. Attendez que le Saint-Esprit arrête. Vous avez dit, les gens vont mourir. Le verset 41 et suivant, du chapitre 2 de Luc. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montaient selon la coutume. J'ai dit que vous notez Colossiens chapitre 4 et Apocalypse chapitre 10. Notez également Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, les versets 7 à 14. Verset 42 de Luc chapitre 2. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montaient selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Verset 50, il a 12 ans. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Amen. La Bible dit que le Seigneur Jésus, à l'âge de 12 ans, quand il allait à la fête, il n'est pas allé à la fête comme tout le monde. Le but de la fête de la Pâque, où il montait là, à 12 ans, il n'est pas allé comme tout le monde. Ici, il corrige sa maman à l'âge de 12 ans sans pour autant lui faire de l'angoisse. Sa maman dit que ton père et moi. Il dit, ne savait pas que je devais recruter des choses de mon père. Il rejette ses pas là sans pour autant dire que mon père, c'est qui? Parce que les affaires dont il a parlé dans le temple, on n'a rien à voir avec Joseph. Mais Marie a tenu à attribuer Joseph. Il dit, ne savez-vous pas qu'il devait m'occuper des affaires de mon père? Alors, je pose la question. Nous aimons le Seigneur Jésus. Quelles sont les affaires dont nous nous occupons? Nous nous occupons des affaires de qui? Lui, il s'occupait des affaires de son père. Et on dit que même ses parents ne comprenaient même pas de quoi il parlait. Il parlait de s'occuper de quelle affaire. On a dit, c'est sûr que l'enfant, s'il a il a mal dormi aujourd'hui. Avançons à Genèse. Il descend, la Bible dit qu'il leur a été soumis. Maintenant, qu'est-ce que nous retrouvons aujourd'hui? La course à la réussite pour l'estime de soi, pour l'estime personnelle. C'est un continent qui est totalement perdu dans ce sens-là. C'est le continent asiatique. Mais ça n'est d'affecter tous les autres continents. Parce qu'on a mis le standard et fixé certaines choses, les règles de la norme de la vie où pour réussir, il faut être à un standard de la vie. Et par conséquent, tout le monde court vers ce but-là. Et on a délocalisé le but qu'est le ciel, au point où les chrétiens se trouvent embourbés là-dedans. Il faut avoir une bonne maison, un bon foyer, une bonne voiture, un bon statut social. Par conséquent, quand quelqu'un te rencontre, il dit que tu deviens quoi dans la vie? Vous entendez cette question? Ça veut dire que, est-ce que toi aussi, tu es arrivé au niveau où nous sommes? Qu'est-ce que tu deviens dans la vie? Si tu as la vie éternelle, tu ne deviens rien, tu as la vie éternelle. C'est la sonnerie, là? Ok. Oui? Oui? C'est qui? Ah. Là, je vous pose une question. Souvenez-vous de la première question. Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur Jésus? Là, je nous pose une question véritablement. Supposons que par révélation, Dieu vous dit, demain ne vous trouvera pas sur la terre. Vous allez mourir. Qu'est-ce qui est de plus cher pour vous sur cette terre, ce que vous aimeriez partir avec? Réfléchissez-y. Votre conjoint. Quand Dieu vous dit que c'est vous qui allez mourir, pas vous deux. Vous êtes mariés. Il dit toi. Il dit Seigneur, prends-la d'abord, elle dérange. Il dit toi. Dieu n'appelle pas quelqu'un sur la terre parce qu'il dérange. Non. C'est quand ton heure arrive, quand ton fil est coupé, tu rentres. Alors je pose la question. Qu'est-ce qui est de plus cher pour toi que si tu veux, si Dieu dit aujourd'hui tu vas mourir, donc prépare-toi, demain tu vas mourir. Vous allez partir avec quoi au juste? Quand vous regardez le compte en banque, vous pourrez partir avec 5 francs. Vous pourrez partir avec votre plus beau habit. Avec quoi donc partirez-vous? Réfléchissez. Avec l'amour de Jésus. Donc dans ce cas, vérifions donc si nous avons déjà pour pouvoir partir avec. Notez 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Notez-y. On va parler de tout cela. Deux Corinthiens chapitre 5. Verset 1 à 10. On va lire tout à l'heure. Mais avant, je veux qu'on examine ces questions-là. Finalement, si cette question-là est répondue de la façon dont je vous avais répondu, c'est-à-dire que s'il arrive que Dieu vous dit que demain vous allez mourir, et quand vous réfléchissez bien, vous voyez que rien de ce qui est sur la terre, vous ne pourrez rentrer avec. Définitivement, ça veut dire que vous poursuivez ça, c'est poursuivre du vent. Parce qu'au finish, vous n'irez avec nulle part. N'est-ce pas? Mais l'on fait cela pour survivre. On fait comme ça pour survivre. Et au point où ça nous absorbe, au point où ça dépasse même dans notre cœur les choses du Seigneur. Mais Jésus, notre Seigneur, nous dit dans Luc chapitre 2 que ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? Il n'est pas monté à la fête comme tout le monde. Tout le monde était là à la fête pour la réjouissance, pour ceci, mais il était consacré à une tâche bien particulière. Une tâche qui n'avait pas de visibilité pour les gens de la fête. Qui n'était pas. On s'attendrait à ce qu'un enfant de son âge se trouve là en train de courir dans la cour, en train de faire, mais il est assis au temple. En train de parler et se poser des questions concernant les choses de Dieu. Les docteurs étaient frappés de son intelligence. Et on veut lui demander, on lui pose la question, il dit que je n'étais pas dans le jeu, je ne suis pas dans la fête, je m'occupais des affaires de mon père. Je pose donc la question. Il dit, les affaires de mon père. Et c'est ce père-là que nous évoquons comme notre Dieu. La question c'est, est-ce que nous nous occupons de ces affaires? Vous voyez? À la sortie de sa vie, il va dire, j'ai achevé ce que tu m'as donné. La mission que tu m'as donné, d'accord, d'accomplir. Tout est accompli. au milieu de sa mission, dans Jean chapitre 6, verset 36, il dit que le Père ne juge lui-même personne, il a remis tout jugement au Fils. Le Père même parce que je garde ses commandements, je fais tout ce qui lui plaît. Je fais toujours sa volonté. Et la volonté de mon Père, c'est que je donne ma vie pour les brebis. Et il l'a fait. Il a repéré la volonté de Dieu. Il a vécu conformément à cette volonté. Mais nous prenons les livres. Je vais devenir avocat. Non, pas avocat. Mangue. Et on essaie de courir. Ça veut dire que quoi, ça ne va pas. On avance. Le Saint-Esprit bloque. On négocie pour passer. On négocie pour passer. Alors que normalement, la question devrait être ce que l'apôtre Paul a posé à Rome. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cette question doit être répondue. Et vous ne pouvez pas avancer avec la vie chrétienne comme ça en naviguant en vue. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Vous voyez, il court vers un but bien précis. Maintenant, vous savez, les chrétiens et les pasteurs qui font des séminaires et enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Vous entendez, un milieu chrétien court sur le leadership. Comment être un bon coach? Vous allez dans la Bible, il n'y a pas une trace. Mais il va prendre les versets bibliques pour dire ce que la Bible ne dit pas. Il dit Élie et Élisée. Élie était le coach d'Élisée. Vous demandez que c'est dans quelle équipe? Il ne peut pas le dire. Ça m'étonne. On prend comme ça pour commencer à faire le marketing. Quelqu'un lit le verset que j'ai vu là. Il y a un prédicateur au Cameroun qui a lu ceci. Et lui, dans, vous savez, quand on voulait tuer les apôtres, dans chapitre 5, comment s'appelle? L'ancien enseignant de l'apôtre Paul dit, si cette entreprise, parce qu'il a utilisé la terminologie entreprise, il a dit que voici les gens qui disent que les choses de Dieu ne sont pas l'entreprise. Voilà, on nous dit dans la Bible que on appelle ça entreprise. C'est pour ça qu'il a créé son entreprise au nom de Jésus. Où est-ce qu'on peut dire de la Bible? La Bible déclare que pour les femmes qui font profession de servir Dieu, il entend profession. Alors maintenant, il y a une carte professionnelle. Serviteur de Dieu. Et là, on a dit profession, ça veut dire que si tu dis que tu sers Dieu, pas que profession, que c'est le travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on peut faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. On dit que tu dois avoir ton mentor. Tu dis mentor, c'est quoi? Il dit la couverture spirituelle. Tu dis, vous allez ramasser ça où? Il commence à dire que Timothée, son mentor, c'était Paul. Tu dis vraiment que c'est Paul qui l'a engendré. Vous allez dans la Bible déclare que Paul a trouvé Timothée, il était déjà disciple. C'est ce que la Bible enseigne, n'est-ce pas? On lit cela dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16. Donc, voilà autant de choses. Mais le problème, c'est que nous, au milieu de cela, vous devez discerner, repérer ce qui est de la voie de Dieu et suivre. Mais on est tellement embobé, en même temps avec le monde, en même temps avec la chose religieuse, au point où la chose religieuse devient maintenant aussi comme si c'est un autre hobby. On y va seulement par devoir religieux. Lorsqu'on se concerte pour se rassembler tel jour, il faut que quelqu'un prenne le téléphone pour appeler quelqu'un que non, tu viens ou tu ne viens pas. Comme si on allait l'obliger pour lui donner la vie. Alors que c'est normalement l'amour de Christ qui pousse les gens à se rassembler. Ah, continuons ici dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. La Bible déclare qu'il s'est rendu à partir du verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Vous avez vu? Un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Donc, quand Timothée a rencontré l'apôtre Paul, Timothée était déjà converti. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'a engendré, comme ils disent. Donc, regardez ce qui se passe. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Les chrétiens d'aujourd'hui, les pasteurs leaders aujourd'hui, viennent enseigner cela, que le mentor de Timothée, c'était l'apôtre Paul. Donc, il ne faut pas quitter sur le trou de mentor. On fait comme ça pour oppresser les gens que, même si n'importe où, envoie ta dîme par Express Union, par Western Union. Voilà comment ça se passe. Comme ça, pour être sûr qu'il va contrôler les gens, même si vous quittez. Ça ne se passe pas comme ça. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Lorsque Dieu utilise quelqu'un pour t'amener dans le corps, Dieu a aussi utilisé quelqu'un pour l'amener dans le corps. Donc, ça veut dire que si vous lisiez, je peux vous prendre des tas de choses là, dans la Bible là. Si vous prenez la Bible un jour, vous lisez donc comme ça, ou bien quelqu'un écrit un verset biblique. Il y a des gens qui ont lu seulement un verset biblique quelque part, ça a fracassé leur esprit, ça a poussé à leur conversion. Alors il va venir chaque fois là que Lomus, c'est toi mon mentor. Lomus, tu es mon mentor. C'est mon mentor. Et si Lomus est mentor? Non, on ne doit pas faire cela. D'accord? Vous me suivez? Mais ce qu'il veut qu'on regarde en face et droit de nous, c'est qu'il faut qu'on pose la question 1. Est-ce que nous aimons le Seigneur? 2. Est-ce que nous prouvons ce que nous confessons de nos bouches? Oh Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Comment est-ce que lui, il a dit qu'on l'aime en réalité? Jean chapitre 14. Jean le chapitre 14. Que Dieu vous bénisse. Jean le chapitre 14, verset 21. Regardons. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ça, c'est la définition de ceux qui aiment Jésus. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Garder, ça ne veut pas dire que j'ai le commandement, c'est le commandement de Jésus. Je les garde. Ce n'est pas ce qu'il en a dit. Ça veut dire que vous prenez la chose à cœur. La Bible dit, c'est ce que Josué 1,8 dit. Il a dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le pour agir selon tout ce qui est écrit. C'est ce qu'il en a dit. Vous voyez? Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. La Bible ne dit pas que celui qui chante le cantique dit, oh Seigneur, je t'aime, ça montre que tu aimes. Non. Parce que je t'aime de la bouche doit être sur la même longueur d'onde que la vie manifestée de la foi en Jésus-Christ. Donc le cœur et la bouche doivent aller ensemble. Ici, il dit celui qui est celui qui ne m'aime pas. Non. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. N'est-ce pas les mauvaises promesses ici? Et je me ferai connaître à lui. On vit dans la désobéissance. On dit, Seigneur, je veux que ma situation change. Donne-moi le mari. Quand je veux me marier, je vais laisser le type-ci. Et là, de temps, tu fais quoi avec le type-ci? Là, c'est le type-ci. Quand il vient, tu dis que bébé. Vous voyez? Il dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ce n'est pas suffisant. Regardez. Verset 23. Jude va lui poser une question au verset 22. Alors, au verset 23, regarde Jésus. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Les chrétiens disent non. Tu peux vivre dans le péché. Un homme te construit une maison. Tu es deuxième bureau. Tu mets seulement la plaque dans le mur. Tu écris, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu prends le stick de ton pasteur. Que ma maison est couverte par le sang de Jésus. La maison, le sang de Jésus ne couvre pas la vie du péché. Ça nettoie, ça doit ôter le péché. D'accord, c'est ce que ça fait. Il dit que celui qui n'aime même pas ne garde pas mes commandements. C'est ce qu'il dit. Regardez encore. Il dit, le Père l'aimera. Nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. Et ça, vous voyez. Alors, ce n'est pas une écriture qui amène le Seigneur dans la maison. Ce n'est pas le fait que tu vas mettre les versets de Luc partout dans le mur. C'est ce que la conséquence de la vie, de cette parole-là qui amène sa présence dans la maison. Donc, ça ne sert à rien de porter les t-shirts que Jésus-Christ... Je suis né de nouveau, I am Holy Ghosted. Je suis couvert par le sang de Jésus, à l'intérieur, tu es les ténèbres. Vous me suivez? Donc, montrons, prouvons que nous aimons le Seigneur. Donc, il faut qu'on cesse toute désobéissance. Vous ne pouvez pas avancer tant que le temps joue en votre défaveur. C'est l'une des choses que le Saint-Esprit veut que je vous dise maintenant. Vous ne pouvez pas. Il faut que vous vous réveillez pour savoir que nous n'avons plus de temps devant nous. Le temps ne joue pas en notre faveur. Et par conséquent, ce n'est pas le moment de se battre pour les histoires de cette vie. On a assez. Regardons l'âge à laquelle nous nous retrouvons maintenant. Si Dieu nous appelle maintenant, il dit, donne ton compte rendu sur la terre de mes affaires. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Vous voyez cela? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Chacun de nous ici, nous sommes âgés. Et ceux qui nous écoutent là, ils sont âgés. Alors la question c'est, si Christ t'appelle maintenant, souvenez-vous, vous n'êtes pas assez vieux pour mourir. Donc vous pouvez mourir à tout moment. Il faut mourir de la bonne façon. Parce qu'on sera jugé de toutes les actions que nous aurons faites étant dans la chair. Alors la question maintenant c'est si Dieu nous appelle maintenant aujourd'hui que revenons, il dit quel est ton compte rendu sur la terre? Ou d'autres personnes disent Seigneur, c'est que le temps était Dieu, Je me suis battu sur la tête jusqu'à... Si ce n'est pas cet homme-là. C'est vrai qu'il a quand même pris un peu là-bas. Sa femme, ça souffrait, mais je devais faire comment? C'est ça que vous allez dire? Mais regardez, écoutez, un être bon. Les gens croient peut-être que la parole... Et quelqu'un me dit un jour, frère Junior, tu prêches comme ça, tu crois qu'on va vivre le... C'est le ciel ici, là. Mais on a écrit ça pour le ciel. Il n'y a pas de prédication au ciel. La prédication, c'est ça. Surtout parce que le ciel n'a plus le temps de cela. Parce que c'est pour ceux qui sont accomplis. Parce qu'on a dit que c'est le lieu qu'on va arriver. Quand on est arrivé là-bas, c'est là le cœur des anges qui font... C'est le lieu de réunion qui compte le cœur des anges. De l'esprit des justes parvenus à la perfection. C'est là-bas où ça se trouve. Ici, là, c'est la prédication qui donne le nettoyer. Ça. Alors, cette prédication est donnée là. Et on me pose la question que tu penses qu'on peut vivre tout cela? La personne qui a écrit l'une de ces les tiers de ce Nouveau Testament, il dit à la fin de sa vie, il a déjà achevé la course. Écoutez, écoutez, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Quand nos parents, même maintenant, on dit que quel est le bon verset biblique qu'on va mettre sur le truc, on dit j'ai combattu le bon combat. Lui, c'est un ancien sorcier. Et on déclare qu'il a combattu le bon combat. Donc, il a bien combattu les saints. Bien tué les gens sur la terre. On dit que c'est le bon combat pour lui. Vous voyez cela? Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il dit, désormais, la couronne m'est réservée. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut dire maintenant, en sortant ici, que si je sors là, si quelque chose m'arrive, je sais que j'ai combattu le bon combat. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Aimons-nous le Seigneur Jésus-Christ? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Le vrai problème, c'est que nous sommes trouvés dans l'étau de l'engrenage de ce système-ci. Il faut que vous vous réveillez pour comprendre que quelque chose ne va pas. Et étant des chrétiens, que quelque chose nous attire vers le haut. Et plusieurs fois, il a déjà répété dans la Bible que votre regard doit être fixé plutôt en haut. Si on dit, rassemblement tel jour, prions de tel jour jusqu'à ce que le Seigneur vienne, premier réflexe, je dois travailler lundi. C'est pas ça, hein? Je dois travailler lundi. Les gens ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez votre Bible dans le livre des Jean au chapitre 5, une foule nombreuse, de au moins 10 000 personnes ont suivi Jésus-Christ pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Qu'est-ce qu'ils cherchaient derrière Jésus? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? La Bible déclare que Jésus-Christ est arrivé quelque part, s'est tourné, l'a regardé, on disait que les disciples ont dit que non, Seigneur, renvoie les fossés. Il a eu compassion de dire non, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. C'est lui qui nous donne le renseignement. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Ils marchent, Jésus-Christ marche, ils sont derrière. Ils cherchent quoi? Ça montre que ceux-ci sont vraiment fatigués. Ils cherchent l'orientation dans la vie. Quelque chose, la lumière qui émane de Seigneur Jésus-Christ les attire, que c'est vers ici. C'est vers ici. Alors ils sont devant Jésus-Christ. Quelqu'un, un être humain, un père, une mère, ses enfants marchent derrière Jésus comme cela. C'est pour ça qu'il appelle ses enfants les brebis, les moutons. Parce que les moutons vont seulement. Si vous voyez comme ça, ils partent. Mais nous sommes devenus les moutons modernes. Le mouton moderne, vous savez ce que ça fait? Quand ça traverse la route, ça s'arrête pour regarder s'il y a la voiture qui va cogner. Regardez ici. C'est exactement notre situation aujourd'hui. C'est-à-dire que si Christ dit quelque chose, que viens pas ici. Et Seigneur, tu es sûr que si tu traverses la route là, on va traverser. Le mouton pose des questions aujourd'hui au Seigneur. Alors que les brebis entendent la voix du maître. Quand il dit viens, tu viens. Aujourd'hui, on réfléchit. Seigneur, tu es sûr vraiment que si je pars, mes enfants vont s'en sortir. Nous voici ici. Ici, dans votre pays, la France. Depuis un mois. On dit, ah, frère Junior, tu as laissé les enfants à la maison. C'est moi qui ai demandé que les enfants viennent au monde. S'il a voulu que les enfants viennent, il va s'occuper de lui. S'il a dit, va, voici mon épouse. Je n'ai jamais appelé quand il voyage. Je n'appelle pas pour demander comment vont les enfants. Je m'avance devant. Parce que si arrête devant, je meurs. Là-bas, il va demander comment vont les enfants. Il va envoyer la nouvelle sur la terre que les enfants vont bien. Alors, on n'a pas de pouvoir de garder. Vous ne pouvez pas être Dieu pour être ici et là-bas pour garder. Mais le chrétien fait tout et tout pour se protéger. Il fait tout pour se protéger. Il regarde derrière, il regarde devant. Je me soucie de mes enfants. La Bible déclare qu'il n'y a pas de souci de ce temps, que je me soucie de tes enfants. On ne peut pas vous soucier de ces choses plus que le Seigneur Jésus. Parce qu'il enlève dans ton cœur. Remarquez dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 25, le monsieur riche qu'on appelait Nabal, il boit, il dit que David c'est qui, fils d'Isaïe. On attend un pot qui dit n'importe quoi. 10 jours après, fop, Dieu a frappé son cœur. Toute la richesse là, il est parti avec une seule. Il sait ce qu'il est devenu. Si David voulait hériter de tout ça, ne veut pas hériter, alors faisons attention. Courons vers le but. Repérez la bonne chose, la meilleure, et courons-y. Remarquez très attentivement, mais ce n'est pas si vous saisissez ceci. Le Seigneur Jésus, dans ce livre de Luc, chapitre 10, s'assoit là-bas dans une maison. Il y a Marthe, il y a Marie. L'autre Seigneur, oh, elle fait la cuisine pour manger. Après, on va manger quoi? Marie était là, elle entendait seulement. Elle avait la bouche comme ça. Elle entendait ce que Jésus disait. Jésus dit, elle a choisi la bonne part. Sur le plan humain, celle-là a de bons comportements. Elle reçoit les gens à la maison. Quand vous venez, elle met la cuisine pour manger. Mais souvenez-vous, après, c'est juste qu'elle a quand même mangé. Alors, lorsqu'elle finit de faire ça, elle dit, Seigneur, il bat chauffer la notice. Je fais ceci, c'est Marie, là, dis-lui quand même qu'elle veut m'aider. Non, elle dit, non, il ne peut pas lui dire de venir t'aider. Dans le monde, le standard du monde, là, c'est le standard du monde. Elle doit écouter ceci. Elle a choisi la bonne part. Je ne sais pas si vous saisissez. Alors maintenant, quelqu'un s'assoit ce moment-là pour écouter la parole. Les gens marchent pendant 3 jours sans manger, sans boire. Et personne ne réfléchit qu'il faut qu'ils rentrent à la maison manger. Personne ne réfléchit ainsi. Il veut seulement écouter. Pas que jusqu'il marchait, faisait des miracles, des spectacles pour que les gens voient. Il marchait, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand ils verront Dieu, il dit, mon frère, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est ce qu'il dit. Il s'en est d'attirer les gens. Le pasteur lui dit, tu tombes, quand tu tombes, quand tu dis que non, c'est là, je vais là-bas. C'est pas ça. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Vous voyez cela? Voilà. C'est ça qui nourrit ce qui est à l'intérieur. Ça développe ce qui est à l'intérieur pour que vous soyez costaud en esprit. C'est pas le spectacle là. C'est pas ça. Si c'est lui qui fait ça, il veut faire le spectacle. Ça va t'amener à lui et se tourner, revenir dans la parole. Je sais pas si vous comprenez. Alors la question c'est, où est-ce que se trouve notre cœur maintenant? Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Mais lui, il a défini ici que la condition pour savoir que vous l'aimez, c'est que vous gardez ça, ces commandements. Donc, si vous regardez que vous vivez dans une obéissance quelconque, sachez que Dieu ne vous connaît pas. Voici pourquoi il dit donc qu'on veut à l'intérieur pour pouvoir agir selon qui écrit. Si vous ne voyez pas là-dedans, vous allez dire que la colère, non, je suis trop colérique. Après, tu respires comme ça. Les gens du monde, on dit que si tu es en colère, prends le bonbon, appuie 5 minutes sur ta pouce, sur ton pouce droit, tu appuies. Voilà la façon de calmer la colère. Dieu dit que tu dois en être délivré. Vous voyez cela? Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, on essaie de faire d'arrangements pour que tu sois une bombe à retardement. Non, vous ne devez pas être une bombe à retardement. D'accord? Vous devez être l'explosion des feux d'artifice de la vie. Vous suivez, frère? Continuons la lecture ici. Proverbe, le chapitre 21. Après, quand il veut finir ici, on va commencer. On y va. Verset 6. Quelqu'un peut lire? Proverbe 21, verset 6. Oui. Des trésors acquis par une langue fausse sont une vanité fugitive des gens qui recherchent la mort. Vous entendez? Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité furtive et l'avant-coureur de la mort. J'étais au Nigeria. J'ai vu un pasteur avec 3 passeports différents, de différents noms. Il était comme réfugié politique. Un pasteur. Il m'a dit, il écoute, je parle de la Bible. Il dit, comment tu connais la Bible comme ça alors que tu n'as pas fréquenté, tu n'as pas fait le cours de théologie. Il m'a sorti 7 diplômes où il avait eu mention. Très bien. Il va, il monte des papiers avec des journaux du Cameroun. On publie dans les journaux pour qu'il soutienne son dossier avec. Il met dans le journal qu'il est parmi les 9 disparus de Bepanda. On le persécute au Cameroun. On l'a vu dans la presse. Et par conséquent, il demande un statut de réfugié politique. Mais il est enseignant de la Bible. Ce n'est pas seulement cela. Il y a des femmes dans votre pays qui ont pris d'autres dénominations, d'autres noms, d'autres âges pour pouvoir se marier. D'autres qui ont pris, pour le cas de ceux qui ont le jeu de football, qui ont divisé leur âge par 3. Pas toi. Tu vois ses pieds comme ça, c'est comme les Romains qui ont crucifié Jésus là. Mais tu le vois de nouveau comme ça. On dit qu'il a 17 ans. Après, tu dis que non, les cheveux blancs que tu vois là, c'est carence en vitamine E. Alors que c'est le signe de la vieillesse. Après 2 ans de jeu, il ne peut plus courir au stade. Pourquoi? Il a acquis le trésor avec la langue mensongère. Comme on a vu dans une des enseignements ici, pour les gens qui peuvent prendre les papiers de quelqu'un pour aller travailler, il a acquis le trésor. On lui pose la question, tu t'appelles comment? Il ne donne pas son nom, il donne le nom de l'autre. Parce qu'il sort en sortant, il mémorise dans un contexte où mon nom c'est Daddy, mon nom c'est Daddy, mon nom c'est Daddy, mon nom. Il sait qu'il ne s'appelle pas Daddy. Il a vu quelque part dans une entreprise, l'autre qui l'appelle Papi. Papi, Papi, c'est pas Papi ici. Ici, il est Daddy. Pose la question. Après, il rentre, il dépose le papier. Il dit, oh Seigneur, je t'ai béni pour toutes ces journées que tu m'as protégé. C'est Jésus ça? Et c'est le Seigneur Jésus. Tourne-toi, regarde quelqu'un, dit, tu dois vivre dans la vérité. On doit changer cet état de choses. On doit sortir de l'iniquité. Ne continuez pas comme ça. Vous pensez que si Christ vient, vous partirez. Vous continuez comme ça. Si mon Seigneur apparaît dans les cieux, il ne vous appellera pas. Parce que souvenez-vous, il n'y aura pas une échelle qu'on va envoyer sur la tête et quelqu'un s'accroche sur ça. Quelque chose va vous faire monter. Ça va se faire. C'est l'aspiration. C'est comme ça. Et la Bible déclare que nul impur. Apocalypse 21. Donc on vit comme ça, vous pensez que vous allez faire comme ça, quand vous allez donner les offrandes, Dieu va sanctifier cela. Apocalypse, le dernier livre, le chapitre 21. Oh, Seigneur, après vous levez la main, on sait que Seigneur, je t'aime. Il dit que si quelqu'un lève la main vers son tronc, que ce soit les mains pures. Et ta main n'est pas pure, ta main a des faux papiers, ta main a des mensonges. Vous voyez quelqu'un qui décide de se marier à un homme. Sachant qu'il n'aime pas l'homme là, parce qu'il veut seulement le papier. Elle s'assoit là, quand le papa là tend la bouche pour le même bouche, il dit qu'on a envoyé le père ici. Alors que c'est elle qui a couru là derrière. Et dans son cœur, c'est qu'elle prie que le père se meuble, qu'elle prend l'héritage. Et elle dit qu'elle est chrétienne. Tu dis comment? Non, chaque dimanche, je vais à l'église. Chapitre 21, verset 27. Il n'entrerait chez elle. Rien de souillé. Vous devez poser la question, si vous êtes souillé, s'il y a n'importe quelle tâche, vous n'entrerez pas. C'est ce que la Bible déclare. Il dit, n'entrera chez eux rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Donc, s'il y a une trace de mensonge dans ta vie, le ciel n'est pas pour toi. Il faut qu'on vérifie, on aura ces choses-là. Vous avez moi? Ou bien, vous restez comme ceux-là qui peuvent venir vers Jésus, prendre de ses miracles et l'insulter après par leur vie. Vous ne dites pas, on n'a pas besoin de dire au Seigneur Jésus que c'est, il ne veut pas de toi. L'action, la position que vous prenez vis-à-vis de la parole montre quelle position vous avez devant le Seigneur. Vous devez soit tenir ferme dans la parole et être avec lui, ou bien rejeter la parole et par conséquent, vous l'avez rejeté. Oui. Quand on dit alors que quand tu viens à Jésus, toutes les choses que tu as fait avant est pardonnée, là, ça veut dire quoi? Non, c'est pardonné, mais il faut régler le problème. D'accord? Les choses sont pardonnées. Il y a des choses qui sont, les conséquences sont néfastes et tu sais pas, c'est pardonné. Mais il y a la restitution. La Bible enseigne la restitution. Tu ne dois pas avoir dans ton ventre. Regarde-moi cela. Ésaïe chapitre 26. On ne peut pas engloutir les choses de Satan. Vous dites que vous êtes entré au ciel avec. Donc, vous devez rester comme ça. Je prends un exemple. Voici un écran. Supposons que le chef de cette maison-ci, pendant qu'il travaillait quelque part, son patron n'était pas là. Il a volé cet écran-ci. D'accord? Venu placer ici. Là, il n'est pas chrétien. Et puis maintenant, il croit. Il dit, oh Seigneur, ma classe là, écoute bien. Oh Seigneur, daigne pardonner mes péchés, tous les vols que j'ai fait. Oh, daigne me pardonner. Dieu pardonne. En fait, il a même pardonné avant que tu ne demandes pardon. N'est-ce pas? Quand je te tourne, chaque fois, tu vois cet écran-là. Ça, c'est le fruit du vol. D'accord? Quelqu'un entre, il te dit, oh, tu as acheté cet écran ici où? Oh, qu'est-ce que tu dis? Ésaïe 26, prenez le chapitre 27 là, regardez. Chapitre 27, verset 1, regardez. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Le serpent fuira, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Vous avez saisi quelque chose? Vous avez saisi quelque chose? Il dit, nous sommes au chapitre 27, frère, verset 1. Verset, chapitre 27 de Ésaïe. Vous êtes là, non? Oui, vous avez saisi ça? Ce jour, l'Éternel châtiera de sa dure, grande et forte épée, Léviathan, serpent fuyard, Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. On parle de quoi là? Quel monstre qui est dans la mer? Hein, de la Bible dans la main. Il n'est pas son temps à nager. La Bible déclare que celui qui partage avec le voleur est ennemi de son âme. On doit restituer tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout objet acquis par ma chance. Allons-y avec Malachie chapitre 3 avant d'avancer là. Non, je suis allé parler des dîmes. Soit vous choisissez Malachie ou bien vous prenez Amos, le livre d'Amos. Notez Malachie chapitre 2, vous allez lire là-bas. Alors dans le livre du prophète Amos. Malachie chapitre 2, notez cela et puis on part dans le livre d'Amos. Vous notez également le prophète Michée au chapitre 6. Notez Michée chapitre 6. Vous avez noté Michée chapitre 6, verset 8 à 13. Ça, c'est Michée, d'accord? Michée chapitre 6, verset 8 à 13. Puis Amos, le prophète Amos. Chapitre 4 et chapitre 5. C'est terrible. Donc, maintenant, j'ai dit qu'on prend quoi, Malachie ou Amos? On prend quoi? Amos. Amos. Amos. Amos ou Malachie? Amos. Alors, dans le livre d'Amos. Chapitre 5. Verset 12 et 13, quelqu'un lit? Verset 12 et 13. Car je le sais, vos crimes sont nombreux et vos péchés énormes. Vous opprimez le juste, vous le rançonnez. Et vous, à la porte, vous évincez les pauvres. Voilà pourquoi, en un temps comme ceci, l'homme intelligent se tait. Car ces temps sont mauvais. Donc, le prophète Amos, si vous lisez depuis le chapitre 1, le prophète Amos présente l'injustice qui se commet au milieu d'Israël. Et le malheur va venir sur Israël, ils vont commencer à dire, non, non, est-ce que nous avons quelque chose ici? Le prophète Amos va même dire au chapitre 3, il dit que est-ce qu'on peut être pur avec les faux et faces? Est-ce que quelqu'un peut être pur avec les faux et faces? Quelqu'un mettra-t-il du feu dans ses seins sans que ça ne le brûle? Donc tu as quelque chose de étrange sur toi. Dieu dit qu'il ne veut pas trouver de fausses balances. Remarquez très attentivement. Ceux qui vendent de la viande, là, on pèse. Il faut les peser. Il pipe la balance. Au quand tu mets un kilo, tu vois un kilo, l'aiguille va à un kilo, mais ce n'est pas un kilo. Dieu dit qu'il ne veut pas que ça ne doit pas se retrouver chez toi. Pas que tu n'utilises pas. Que ça ne doit pas se retrouver. Parce que c'est l'objet de l'iniquité. Ça ne doit pas se retrouver. Il faut que ça quitte. Et donc là, si tu as fait quelque chose qui est de l'iniquité et que tu as son objet, tu dois faire sortir cela. Tu ne peux pas garder, c'est volé. Vous dites, je garde cela en disant, oh Seigneur, il est pardonné. Le pardon est là, mais le fait, s'il doit quitter. C'est ce que la Bible déclare. Il faut restituer. D'accord? On avance là. J'ai dit aujourd'hui Romains chapitre 13. Je crois qu'il n'y a plus de gens en route, n'est-ce pas? Ou bien on commence? Il y a une à la d'attendre. Ok. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. souvenez-vous, on doit s'occuper des affaires du Seigneur. Et posez-vous cette question que s'il vient aujourd'hui, vous serez où avec cela? Notez Proverbe chapitre 11, verset 4. Dès qu'on finit ces Romains, on va y aller. Proverbe chapitre 11, verset 4. Dans Romains chapitre 13, j'ai dit où on est, le verset 7 à 14. Frère, lis s'il te plaît. Verset 7 à 14. Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car ceux qui aiment les autres, celui qui aime les autres a accompli la loi. Jusqu'au verset 14. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignage, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résumant dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est dans l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps, en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Écoutez, écoutez très lentement ce qu'on en a dit à l'an 65. À l'an 65, on dit que le temps est court, la nuit est avancée, le jour approche. On dit, il dit quoi? Quelle est la conséquence en sachant que ces choses-là, le temps joue à notre défaveur. Il dit quoi? La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Stoppons d'abord là-bas. Vous avez vu, en sachant que nous n'avons plus de temps, ce qu'il faut faire, ce qu'on nous invite à faire, aujourd'hui, on coupe plutôt dans les ténèbres. On collabore avec les ténèbres. On prend les choses des ténèbres. La Bible va nous donner les indications que la sonnette d'alarme va bientôt, la trompette va bientôt résonner. Préparez-vous. Continuons. Et revêtons les armes de la lumière. Stoppons là-bas. Vous entendez cela? Donc, en réalité, si on comprend bien la Bible, vous allez voir effectivement que le temps de faire toutes ces choses, si vous ne vous occuperez pas des choses, des futilités de la terre, soyez très attentivement. Je veux qu'on soit clair. Je ne suis pas en train de dire ici que vous n'avez pas le droit de travailler. Non, non, c'est pas ce que je dis. Parce que la Bible déclare clairement qu'à la sueur de ton front, tu mangeras. Mais chaque fois, quand quelque chose va être dans votre vie au point où vous n'avez pas le temps pour le Seigneur, vous avez déjà un problème avec Dieu. Chaque fois, quand quelque chose va entrer dans vos vies, au point où ça dérange la communion entre vous et Dieu, ces choses-là, il faut l'enlever. Fût-il ton travail. Remarquez, très attentivement, si vous lisez, vous allez remarquer que le prophète Daniel était dans la cour des rois. Il travaillait avec le roi, mais ça n'empêchait pas sa communion. Au moment de la détresse, le Dieu qu'il servait avec persévérance l'a délivré. Mais aujourd'hui, nous évoquons le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il ne se présente pas pourquoi. Or, là-bas, il a dit, si quelqu'un l'aime, il l'aimera, il se fera connaître à lui. Alors, s'il ne se fait pas connaître, nous avons un problème d'amour avec lui. Nous avons un problème d'amour avec lui. Autrement dit, nous avons un problème de la parole. La parole nous reproche des choses. Alors ici, l'apôtre Paul nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous. Donc, vérifions dans nos vies des choses qui appartiennent aux ténèbres, débarrassons-en. Puis dit, revêtez les âmes de lumière. De telle enceinte que quand l'ennemi va te regarder, devant Dieu, il n'y aura point d'endroit de trace pour t'accuser. Avançons, frère. Marchons honnêtement comme en plein jour. Vous entendez cela? Que marcher honnêtement. Et quelqu'un a le papier de Douglas. Il s'appelle Gabriel. On dit que bonjour, Gabriel. Il dit non, non, non, je suis Douglas. On dit marcher honnêtement comme en plein jour. C'est-à-dire qu'en plein jour, ça veut dire que vous soyez dans la lumière pour que rien de ténèbres ne vous appartienne. Continuons. Sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, oui. Sans discorde, ni jalousie. Oui. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair. Stoppons. Pour en satisfaire les convoitises. Vous avez entendu cela? Ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire. Quand la femme sort le matin pour aller prier, elle va au miroir et s'assoit là-bas. Elle va faire 30 minutes au miroir pour aller à la prière. 30 minutes. Même pas prendre 15 minutes pour s'asseoir, pour se recueillir. Que Seigneur, je veux que tu me parles toi-même. Seigneur, je prie pour telle soeur qui a tel problème. Je prie pour lui. C'est elle qui demande la prière chaque fois qu'elle intercède pour moi. Mais la Bible déclare qu'elle ne donne pas de soins à la chair pour satisfaire les convoitises. Mais c'est à ce qu'on pense aujourd'hui. Et la Bible déclare dans Galates chapitre 6, verset 7, que ne vous y moque, on ne se moque pas de Dieu. C'est, si vous semez pour la chair, vous allez moissonner de la chair la corruption. Vous prenez les soins sur la chair que quand ça va mourir là-bas, les vers de terre vont manger. Les vers de terre. Donc quelqu'un qui n'a pas l'eau, c'est ça qui va vous manger. Et vous prenez soin de cela. Et la Bible déclare qu'on sème pour ce qui ne périra pas. La vie éternelle. Vous me suivez, frère? Même si c'est Dieu, c'est quand même vrai. C'est la Bible. Il a dit là qu'on sème, on se revêt du Seigneur Jésus et ne donnez pas soin à la chair. On dit ne donnez pas soin à la chair. Tu dis quoi? Je suis Mamie Nyanga, je suis né dans Nyanga. Continue, frère. C'est fini. Ok, c'est 14, c'est fini. Allons dans le proverbe donc. Nous sommes de parler de s'occuper des affaires du Seigneur. Ok. Quand vous allez finir, proverbe chapitre, puisque nous sommes dans le proverbe, le chapitre 11, verset 4, on va lire le chapitre 23 maintenant. Proverbe chapitre 4. Chapitre 11, verset 4. Oui, frère. La fortune ne sert à rien au jour du courroux, mais voilà. La justice délivre de la mort. Vous avez entendu ça? Donc, quel que soit l'empire que tu vas bâtir, au jour de la colère, au jour du courroux, au jour de la rétribution, ça ne te servira pas. Ça ne servira pas. Donc, définitivement, il faut qu'on bâtisse sur des fondements solides. On bâtit sur ce qui est solide. Chapitre 23. Alors, posons-nous la question. Quel style de désobéissance nous nous retrouvons? Est-ce que nous vivons d'après la parole du Seigneur? Nous avons la Bible. Même pour lire, c'est un problème. Même pour lire la Bible, c'est un problème. Chapitre 23. Verset 3 et 4. Verset 3 et 4. Ne désire pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Ne te fatigue pas pour t'enrichir. Soulignez ça. Cesse d'y appliquer ton intelligence. Soulignez. Dans le verset 4 dit, ne te tourmente pas pourquoi? N'applique pas quoi? Ton intelligence. Puis on te pose la question. Puis il y a une question qui est posée à la fin. Tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien. Alors ici, ça dit quoi? Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Donc, qu'est-ce qu'il a pointé tes regards là-bas? Tu fuis la richesse. Tu dis que tu fais quoi? Il dit que poursuis l'argent. C'est grave. Tu poursuis l'argent. Ce qui va disparaître. Tu veux poursuivre du regard. Je sais qu'il cherche les zéros. Je ne suis pas venu en France blaguer. Ça va pas. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? On dit, mais ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton cœur. Parce que tu appliques ton cœur, maman te saisit. Tu dors seulement, c'est argent. Tu dors seulement que le seul argent, j'ai dormi comme ça, il m'a donné 20 000 euros. J'ai dormi comme ça, j'ai trouvé l'argent. Tes songes, ça tourne autour du matériel. La cupidité. Et quand la cupidité est saisie, c'est que vous êtes fini. Vous suivez? Donc, on ne peut pas appliquer notre cœur à ces moments. La Bible dit, n'applique pas ton cœur. Mais dans ce même proverbe, il dit, applique ton cœur à la sagesse. Applique ton cœur à la sagesse. Allons dans le chapitre 8. Proverbe, le chapitre 8 maintenant. Vous y êtes? Proverbe, le chapitre 8. Proverbe, chapitre 8. Verset 13 d'abord. Il dit, non, commençons à partir du verset 8. Proverbe chapitre 8, n'est-ce pas? Verset 8. Commençons par là-bas. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à des zéros. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, entre les instructions de Dieu et l'argent, vous préférez quoi? En fait, dans la réalité, est-ce que c'est ce qu'on veut? Non? Dans la réalité, est-ce que c'est ça? Préférez mes instructions à de l'argent. Non, non. Sinon, c'est naturel. Quand quelqu'un vient quelque part une fois, il veut tout s'asseoir au même endroit. Vous avez vu comme, comme hier, il était là, c'est dirigé là-bas. C'est partout, ça se trouve, c'est le même esprit partout. Ok, on avance. La Bible déclare, si la Bible nous donne un ordre qu'on préfère, l'instruction à de l'argent. L'instruction de Dieu à de l'argent. Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui est écrit dans la Bible. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible qui sont censées amener l'homme à ce niveau où Dieu attend. Vous voyez? C'est pas si vous suivez. Donc, et dans Proverbe chapitre 22, le verset 17 à suivant, il dit, n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit tous les conseils, tout ce qui est nécessaire à la vie? Il n'a déjà mis par écrit, c'est écrit. Donc, tout ce qu'on cherche. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les pasteurs qui nous ont alors formaté au point où quand on va dans la vie, on part chercher les psaumes de protection. Donc, tu passes seulement pour que Dieu te protège. Tu laisses Dieu, que Dieu laisse là où tu es. Ce que je veux de toi, c'est que tu me protèges. Quand je vais sortir pour aller voyager, après on a fait le junior, oui. Il y a un psaume là qui dit que l'Éternel va te protéger à l'aller et au départ. C'est où? Il cherche plutôt le psaume. Il ne cherche pas la personne qui va protéger. Et quoi qu'en lisant le psaume là va marcher en route pour le protéger. Il ne sait pas que c'est Dieu qui délègue l'ange de marcher. Il ne sait pas si vous saisissez. Donc finalement, en réalité, on aime ce que Dieu a, on ne l'aime pas. Seigneur, je te remercie pour ce don de vie que tu m'as donné aujourd'hui. Que tu m'as donné. Seigneur, s'il te plaît, protège mes enfants. Seigneur, ma mère est malade, s'il te plaît, ceci. Seigneur, je vais voyager prochain de l'avion. Quand l'avion fait brouh, mon cœur va sortir. Seigneur, j'ai encore une maladie qui me dérange. Seigneur, je vais passer un entretien demain. Trouble la tête du juge là qui me donne cela. Seigneur, mon patron dira, fais que Laurent m'en agent. Seigneur, Seigneur. Vous avez vu dans cette prière là, un jour, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui ne te plaît pas? Vous avez vu cela? Est-ce que dans cette prière, tout ce que j'ai de rester là, est-ce qu'il y a, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui ne te plaît pas? Non. Pourtant, celui qui aime le Seigneur va lui dire, Seigneur, arrange-moi, rends-moi pur pour que je te plaise, que je vive comme toi tu veux. C'est ce que vous suivez, frère. Donc, chaque jour, c'est Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Dans la langue de ma femme, Bassa, on dit, Timé. Timé. Timé. Donc, il passe son temps seulement à dire, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu n'a pas le temps de donner l'instruction. Dieu, il n'a pas le temps de te donner quelque chose. De te dire quelque chose, que fais tes choses. Si c'est l'autre là, tu donnes en songe, il n'accepte pas. On a mené les gens de songe que Dieu, j'ai rêvé comment j'étais dans une grosse voiture. Tu dis, oh, mais tu rêves de quelqu'un, tu dis que frère, j'étais vu dans l'iniquité. Dieu a dit que non, je rejette ton songe là au nom de Jésus. Je rejette ton songe au nom de Jésus. Oh, c'est fait pour qu'on change, pour que nous changeons pour le meilleur. Il aimerait qu'on lui dise que, comme maintenant tu marches à pied, j'ai vu ton talent tordu un peu là. Tellement je suis tordu, mais j'étais vu seulement dans une grosse voiture. Il dit, j'arrache ton songe là, j'arrache, au nom de Jésus, j'arrache. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Le psalmi dit, observe si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur le sentier de la justice. Donc Dieu, il vérifie si devant lui, devant le Seigneur, s'il a de marcher droitement. Ça va si vous comprenez. Le psalmiste, lui, il était équilibré. Et celui-ci à qui Dieu a donné la sagesse, et quand il a vu cela, il dit qu'il ne me donne pas trop d'argent. Et même ce qu'il a, il a dit que c'était pas trop d'argent. Comment il s'appelle Salomon? Il dit, ne me rends pas pauvre pour que dans la pauvreté, je ne vole. Ne me donne pas trop de richesses pour que je m'enorgueille. Donne-moi le juste milieu pour qu'il sache que non, c'est comme ça. Ce qu'il a vu et il a considéré comme vanité, c'est ça qu'on poursuit aujourd'hui. Et même si tu poursuis un peu comment, tu ne pourras pas atteindre son niveau. Ça va se saisir. Alors la Bible déclare dans ce livre de Proverbes, chapitre 23, là, c'est chapitre 8. Il dit que « Et préférez mes instructions à de l'argent. » On y va. Chapitre, le volet souvent dit « Et la science a l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. » La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les billets d'euros. Mais seulement un billet de 500 euros qui a volé les escaliers là-bas et jette une Bible. Tu vas voir là où on va plonger en premier. On va dire que le billet de 500 euros sont le billet rare, n'est-ce pas? Après, la femme, vous savez, sa Bible dit que, on écrit la Bible que préférer mes instructions à de l'argent. C'est rare, n'est-ce pas? Les billets d'euros, là. Verset 13. La crainte de l'Éternel, vous qui venez d'arriver, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, si vous vivez dans l'iniquité, vous dites que non, je sais Jésus, je crains Jésus, vous vous mentez. On dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc tu commences à être sage lorsque tu commences à suivre la voie du Seigneur, c'est-à-dire à t'éloigner du péché. Et Dieu, chaque fois qu'il appelle l'incroyant, il appelle d'abord de se repentir. La Bible nous présente que c'est ces choses-là qui nous mettent obstacle entre nous et Dieu. Et là, on reste à l'intérieur. On aime appeler, appelle, il te répondra. Vous restez à l'intérieur, c'est ce qu'on chante. Donc, il faut qu'on change, n'est-ce pas? Il faut qu'on se tourne de la bonne façon du côté du Seigneur Jésus et qu'on sache qu'il n'est pas manipulable. Vous pouvez manipuler les pasteurs, leur donner l'argent, il met lui qui est sorti d'Israël sur vous, même si ça sort de son village. Vous pouvez manipuler les pasteurs, les prêtres, ils font ces choses-là. Il dit, ma soeur, le blanc qui va venir, ce blanc-là a tellement l'argent. Vous pouvez le manipuler, il dit comme ça, pour manger son argent en ce moment-là. Vous pouvez aller donner 5000 euros, 10 000 euros, pour qu'on prie, pour qu'on verse le sel chez vous. C'est avec la souris que vous allez bagarrer à la maison. Mais Dieu, lui, la seule façon, il dit qu'il est avec celui dont le cœur est contrit et meurtri. Donc l'esprit de repentance. Remarquez dans le livre de Luc, si vous voyez très bien, vous allez remarquer, dans ce livre de Luc au chapitre 17, il va parler de deux styles de personnes qui étaient montées à l'heure de prier au temple. Et il déclare qu'il y avait un publicain. Un publicain, c'est ce genre de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts qui mangeaient l'argent des gens. Et puis il y avait un pharisien. Un pharisien séparé, ceux qui avaient le respect rigide de la tradition de Père. Ils sont venus au temple. Les deux sont tenus là comme ça. La Bible déclare que le publicain n'osa même pas lever les yeux au ciel. On dit le publicain n'osa pas lever les yeux au ciel. Nous, aujourd'hui, nous sommes plus que les publicains. On tend plutôt le doigt en le fixant dans le regard dans le trône. Que je veux mon miracle aujourd'hui. On dit juste ça. Quand on veut le miracle aujourd'hui, en lui pointant du doigt. Que Seigneur, tu as intérêt à me faire aujourd'hui. Tu as dit que je suis le fils de Dieu. Tu as dit que je suis le roi des rois. Tu as dit que je suis le... Ah, on cite tous les partis où il a dit que tu es le roi. On ne cite pas l'endroit où il a dit que je hais ceux qui commettent l'iniquité. On ne cite pas cela. Ce n'est pas une bonne promesse. Il y a des gens qui connaissent les versets de bénédiction par cœur. Par cœur. Mais aucun verset sur la sanctification. Quand tu ouvres sanctification comme ça, d'abord, ils ne veulent pas entendre parler du mot sanctification. Pourtant, c'est ça qui amène vers le Seigneur. La sanctification. On avance ici. Nous sommes dans Proverbe, chapitre 8. Le verset 14 nous dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Le monde, avec ses pasteurs, disent que non, ça n'appartient pas au Seigneur. Vous devez être des gens succès. Donc on veut devenir un grand, on veut être dans le succès par soi-même. On veut devenir tout sans Dieu. Ça ne marchera pas. En fait, même si ça marche pour un temps, ça sera éphémère. Vous allez savoir que tout ce que vous obtenez sans Jésus, ça ne sert absolument à rien. On avance. Puis il dit, je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui ne m'aiment pas. Pardon? Bon, maintenant il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Alors, qui sont ceux qui l'aiment? Non, enfin, nous avons vu cela, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas, vous voyez que la définition biblique n'est pas selon les dictionnaires. Ce n'est pas selon nos convenances. C'est lui-même qui a dit, si quelqu'un m'aime, il garde. Celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde le commandement. Celui qui a défini ce qui veut dire amour de lui. Donc, aimer de Jésus, ça ne veut pas dire que Seigneur, je t'aime de tout mon. Oh, quand je chante, on met un peu de piano là. Tu dis que j'ai la chair de peau. Seigneur, tellement j'ai la chair de peau qu'il sent que je t'aime. On ne sent pas, on vit. D'accord? Voilà, on avance ici. Verset 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. On est ensemble, frère. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque mois à mes portes. Comment? Ok. Il y a des gens que leur Bible, ils sortent ça à Noël. D'autres sortent à Pâques. Ils ont des prières. Pâques, Noël, pendant les Nouvelles. Ou bien quand on annonce à la famille qu'on allait chez le marabout, quelqu'un doit mourir. Ah, que mets-toi à un côté et dis-moi à ma droite. je ne serai pas atteint. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te protège? Placez-vous sous la protection du Très-Haut. Vous comprenez? Nous sommes dans Proverbe là, n'est-ce pas? Rentrons au chapitre 3, je vais vous montrer quelque chose. Qui tente de rêver, il voit un mort le poursuivre, ou bien il voit un cercueil. Quand il va s'élever maintenant, il va faire tous les gens. On mélange le livre de prière, le mari qui dénie le nœud, on compte les chapelets. Ça ne va pas, on prend l'huile d'onction, on verse partout dans la maison. Alors que le problème, c'est toi. C'est à l'intérieur se trouve le problème. Regardez ici dans Proverbe chapitre 3, verset 21. Regardez. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloigne pas de tes yeux. Il ne sait pas comment mon père peut parler comme ça. On fait autrement. Que ça ne s'éloigne pas de tes yeux. Quelqu'un dépose ça de côté. Il dit, quand je lis ça, je ne sens pas quelque chose d'intérêt. Je préfère lire magazine Elle. Nouvelle Génération, Times. Magazine de finances, économie. Où est-ce qu'on lit? On lit ça avec beaucoup d'intérêt. Ici, il dit que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton corps. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. On n'a pas dit qu'on récite les psaumes. Que tu le laisses comme ça, quand il y a l'état de lettre, quand la lettre est au rouge, tu cours vers le psaume 91. Donc c'est la sorcellerie. Oui, c'est la sorcellerie. Parce que la Bible déclare que la divination, que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Tu désobéis et tu veux que Dieu te protège. Vous voulez rendre Dieu sorcier. Regardons ici. Verset 24. Si tu te couches, tu mets ta Bible sous ton oreiller. Et quand tu seras couché, ferme tes yeux et récite les psaumes. Vous avez suivi? C'est dans votre version? Non. Qu'est-ce qui est écrit? Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. On a récité les psaumes ici pour que le sommeil soit doux. La mère s'est d'abord dit que donc, ça c'est un bon truc. Hein. Vous savez, il y a des gens qui dorment comme ça, là, ils mettent la Bible sous l'oreiller. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Moi, je ça. Ah, il faut que nous. Voici donc un cas d'école alors ici. Là. Pourquoi? Le pasteur, moi, je me sens un pasteur qui m'a dit, prends, lis le psaume 23, tu ouvres la page, tu lis le psaume 23, tu mets sur ton oreiller et tu auras des visions dans la nuit. Vous avez entendu, non? Est-ce que j'ai parlé? J'étais loin. Oui. Le voilà, non? Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il faut réciter cet ensemble pendant 13, 12, bon, bref, 5 fois, Satan 50 fois, Satan 23 fois. Mais... Non, c'est un musulman là-bas. Oui, il va le passer par un catholique, hein? Oui, je fais ça. Bon, maintenant, pourquoi toi-même tu dois avec la Bible sous l'oreiller alors? Non, c'est parce que j'ai l'assurance, c'est tout. Donc, ici, là, selon qu'on a dit qu'on met la Bible sous l'oreiller, c'est ce que vous avez vu, non? Donc, dans sa version, c'est ce qui est écrit. Non, c'est pas que c'est écrit dans ma version, mais moi, quand je me dors avec la Bible à côté de moi, j'ai l'assurance, je suis rassurée que bon, voilà. Dieu il est là, il est présent. Si je fais un cauchemar, de suite je me lève, je me mets à prier, je peux lire. Ok, mais donc ça veut dire que la Bible c'est l'assurance de ta protection. C'est un peu comme si Dieu était là à côté de moi. Donc il faut que tu vois quelque chose, il faut que quelque chose soit là pour que tu vois. Bon, mais dans nous tenons dans cette salle, c'est en dehors de nous ici. Si tu vois encore quelqu'un. Quelle est l'assurance maintenant qui va se manifester ici? Moi, je sais qu'il y a la présence de Dieu. Mais comment tu sais, comment tu ne peux pas savoir ça dans ta chambre aussi? C'est ça qui a fait que les catholiques disent que non, il faut quand même l'objet qui va nous permettre de savoir que... Cet esprit catholique s'est glissé partout. C'est la grande prostituée, la grande mère. Elle a souillé tout. Même chez les protestants, se trouve. Même chez les musulmans qui n'ont rien à voir avec la Bible, ils ont souillé. Donc la Bible déclare ici que la condition, il dit que tu on garde la sorte, que ces enseignements, c'est une écoute. Je ne sais pas si vous saisissez. Lorsque vous avez la parole en vous, lorsque la parole habite votre, je vais après ça, je vais vous expliquer doucement pour que vous saisissez ce qu'on dit. Il ne s'agit pas de rester la parole sur les lèvres parce que tu connais. Il faut que la parole pénètre ton cœur. Quand la parole pénètre ton cœur, ça fait une partie intégrante de votre être. Vous comprenez? Lorsque vous relâchez la parole maintenant, ça sort avec foi, c'est l'épée. La Bible n'a pas dit que ici, là, quand tu vas te coucher à minuit, lève-toi pour faire le combat spirituel. Ça ne se trouve pas ici. Ça, la Bible ne dit pas. Il dit quand tu vas te coucher, ton sommeil sera doux. Alors maintenant, si la Bible prophétise que notre sommeil est censé être doux, et chaque nuit tu as le cauchemar, au point où tu te lèves, tu attrapes l'oreille comme ça que. Tu étais dans une bataille terrible. Interstellaire. On était dans la lune. Tu peux chercher quoi dans la lune pour combattre là-bas? La Bible déclare que si on garde les enseignements, le sommeil sera comment? Que les grands-pères me poursuivent, on me poussait avec la matière, on a failli me couper, je me suis réveillé, si on ne me réveillait pas, on devait me couper. Tu es dans le lit, tu cherches quoi dans la brousse pour qu'on te poursuive avec les machettes. Et regardez, verset 24, si tu te couches, tu seras sans crainte. Donc je vais me coucher avec assurance. Le vrai problème, c'est que je ne réussis pas ça que si je me couche, je serai avec l'assurance. Il y a une conséquence d'abord en haut. C'est qu'il faut que je garde d'abord les enseignements. J'y médite. David dit dans cette psaume, psaume 119, il dit que cette fois, je me lève, je dévance l'aurore pour méditer ta parole. Vous comprenez? Donc, la voie d'entrée de la parole sur le cœur, ce n'est pas méditation. C'est pour ça que Dieu fixe, nous fixe là-bas. C'est-à-dire, je prends la parole, je mets au devant de moi. J'y lis en méditant sur ce que le Seigneur a dit de me dire. Dans ce processus-là, le Saint-Esprit fait imprégner cette parole-là sur mon être. Vous êtes surpris, vous arrivez quelque part, vous citez la parole, alors que normalement dans votre tête, il n'y a pas cette parole. C'est pénétré, c'est en vous. C'est en vous. Quand ça arrive en vous, la quantité qui est en vous, c'est Christ en vous. Parce que Christ, c'est la parole. On avance. Verset 25. Chasse toutes les sorciers dans la nuit. Et lève-toi pour verser. C'est pas ça qui est écrit. Non. C'est écrit quoi? Dans ces cas, quand l'eau là qu'on peut prendre chez vous, juste parce que les gens ont des bidons spéciaux qui vont chaque fin de mois pour prendre ça aux cathédrales. Que c'est l'eau bénite. Après, les héros que vous avez donnés aux prêtres, ils se font de commentaires sur la table en mangeant, en buvant que les bandes de cons comme ça. Pointe quelqu'un dit, ressaisis-toi. Il dit, ne redoute. Parce que c'est, en haut, on a dit que tu vas te coucher sans crainte. Il dit, ne redoute. Donc, n'aie même pas de penser qu'on va t'attaquer. Et il dit, en fait, même si on t'attaque, le Seigneur va s'occuper de cela. C'est ce qu'il a dit de dire. Il dit, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part de l'ennemi, des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute chute, dit la Bible. Vous devez soit dire la Bible ment, ou bien vous cherchez votre protection. Certains chrétiens ont maintenant inventé certains styles de protection. Il dit, quand on passe le marabout, on doit souvent le fétiche. Mais on va faire le fétiche chrétien maintenant. On porte maintenant des gourmettes où on écrit Jésus, c'est ça. Jesus is my protector. Ce n'est pas gratuit parce qu'on n'a pas aussi pris ça gratuitement. C'est pas ça. Hein? D'autres ont les chaînes. Ils portent maintenant. D'autres ont l'eau, ils l'aspergent, ils l'achètent. Tout ça, ce n'est pas gratuit. On dit que ce sont les objets chrétiens. Je crois au Cameroun, si on avait le temps, je devais mettre là, vous allez entendre. Il y a une publicité dans une station radio là-bas. Il dit que votre souffrance, à la fin, quelqu'un fait un pam. Il dit que vous, maintenant, vous avez les objets, maintenant, des fois, exercez votre foi. Je dis que pam. On dit de l'eau, pam, du sang, pam, du sel, pam. Passez à la maison, ceci, pour tout contact, ceci. Exercez votre foi, la solution, à une, la souffrance, à une fin. Donc, ne souffrez plus. On m'attrape en publicité, je dis que merde. Je souffre vraiment, il faut que je parle là-bas. Quelqu'un part, il m'a dit que, con, il dit oui. Je suis venu parce qu'il y a la souffrance. Il dit, tu veux quoi? Il présente ses diagnostics. On lui dit que non, on lui a prescrit le sang de Jésus. Donne combien? 10 000. Oui. Tu achètes quoi? Le sang de Jésus. Il faut qu'on se repente. Amen. Il faut qu'on se repente. Comment vous pouvez marchander les choses de Dieu si ça vient de Dieu? Comment tu peux prendre de l'argent de quelqu'un? Tu donnes quelque chose que non, Dieu a donné ça pour que ça fonctionne pour toi. Donc Dieu vend l'onction. Il vend la santé. Et donc, ceux donc qui ne peuvent pas le faire donc, vont mourir dans les choses. Dieu merci, il dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi? Vous voyez cela? Donc, ne faisons pas de telles choses. Rachetons le temps. Rachetons le temps. L'apôtre Paul nous a dit dans ses Romains chapitre 13 que la nuit est avancée, le jour approche, c'est l'heure de nous réveiller. Dépouillons-nous de toute œuvre, des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des âmes de la lumière. D'accord? Ne donnons pas de soins à la chair pour en satisfaire les convoitises. D'accord? Donc, c'est ce que le Saint-Esprit nous dit, qu'en réalité, il faut qu'on redéfinisse notre priorité. Il faut qu'on détourne nos regards vers ces choses vaines. Comme il a posé la question dans ce livre de Proverbes chapitre 23, verset 4, que ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence, ni applique pas ton cœur là-bas. Vous voyez? Il dit que veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Ou tu veux poursuivre du cœur? Les gens disent non. By fire, by force. Juste quand quelqu'un appelle, il dit que non. J'ai eu le miracle. Le Dieu de ce pasteur est fort. Quand il a prophétisé, c'est comme ça, mon compte a été rempli. Donc ton compte a été fourni. Donc les anges ont fabriqué l'argent. Venez mettre dans ton compte. Tu cherches, tu sors, pam, pam, pam. Tu prends, tu manges. Tu vas vomir ça. Comme il a dit que le Léviathan va vomir cette chose, tout ce qu'il a englouti. Ça sort d'où? Il dit que c'est miracle money. Que, il prophétise ici que chacun va sortir avec le porte-monnaie rempli. On voit. Vous voyez effectivement, c'est physique et l'argent est bien. Alors maintenant, les marabouts au Sénégal, vous venez, il dit que tu veux quoi? Il prend le papier, il fait comme ça, le héros sort, il te donne. Même chose. L'argent facile. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, dit dans la Bible que tu mangeras à la sueur de ton front. Voulons-nous servir le Seigneur? Nous voulons servir le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, préférez ses instructions à de l'argent. Il est temps de redéfinir maintenant véritablement. Donc, ça veut dire que quand vous allez rentrer chez vous, chacun pour sa part, restez vraiment tranquille avec la Bible devant de vous. Posez-vous encore la question que j'ai posée au début de pas. 1. Est-ce que véritablement j'aime le Seigneur? Il a donné la définition de son amour à lui. Il a dit, celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. Avancez donc dans votre réponse en disant, vrai, vrai, est-ce que je garde les commandements du Seigneur? Répondez à cette question, soyez honnête avec vous-même. Puis posez-vous cette autre question. Dans la vie, si je poursuis l'argent, je poursuis telle chose, depuis que je tourne là, est-ce que j'ai déjà obtenu même ce que je cherche? Répondez à cette question. Quand vous avez continué, posez-vous la question, ok, si j'aime tout l'argent du monde, si je meurs, je partirai avec quoi? Quand vous avez répondu, dans ce cas, posez la question, dans ce cas, pourquoi poursuivre ce qui va s'envoler, ce qui ne sert à rien? Répondez à toutes ces questions, honnêtement, et vous allez voir à quel moment vous vous en trouvez. Si vous voyez donc que vous êtes fatigué, vous allez voir que la seule chose à faire, c'est servir le Seigneur. Quand vous êtes désarmé, dites Seigneur, mais voici, fais de moi ce que tu veux. Attendez-vous à lui jusqu'à ce qu'il vous révèle c'est à quoi vous êtes appelé. Que Dieu vous bénisse. On va prendre 5 minutes le temps que vous vous saluez. Je m'en vais prier, je reviens. Et on continue, d'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça va, la sœur Sandrine? Oui, comment tu vas reconnaître? Ok. Ah, c'est la Sandrine qui t'a prié. C'est notre Sandrine, ça va Sandrine? Raconte-nous ton histoire. Lève-toi, tu dois raconter ton histoire. Elle a une très belle histoire, raconte-nous. Oui. J'en ai plus un. Ah ouais. Mais quand t'as une histoire avec la prière, où tu t'es nu là? Où j'étais? Rien. Raconte ici là. tu étais là, d'où tu priais, raconte-nous. Écoutez oui. Ça. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je suis la sœur Sandrine. C'est elle ici aussi, Sandrine. Je suis la sœur Sandrine de Poissy, moi je suis dans les Yvelines. Oui. Donc voilà. Et la ville juive, c'est la ville juive. Ivry, c'est ça. Oui, donc d'accord. Donc j'avais découvert le frère Junior et tous ses enseignements sur la chaîne Bamba Iba. C'est une amie à moi qui devait être là aujourd'hui, mais malheureusement, je lui ai dit tard, elle a regretté qu'il m'avait amené. J'ai commencé à suivre, je m'étais resté en suivre. Et puis j'ai cherché quand il a parlé du contact, parce que j'ai cherché le contact, j'ai pris le contact, etc. Et j'ai commencé à communiquer avec madame qui j'ai cette guichette. Madame, oui. Voilà, c'est grâce. Oui, vous allez voir 5 minutes de vous pour saluer. Il gérait le téléphone et tout ça et tout ça. Donc un jour, si j'ai eu le frère et tout et tout, il m'a dit écoute, va. Enfin, j'ai écouté des tonnes d'enseignements, mais il y avait un autre, j'avais pas écouté. Il m'a dit oui, il y a un enseignement qui est certainement bien pour toi. Va l'écouter. Quoi, délivrance internationale, c'est collective. Hey. C'est pas possible. Non. J'ai écouté. Ok, toi aussi, va parler. J'étais dans ma chambre, dans mon lit, quand j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à transpirer. C'est-à-dire que tout ce qu'on disait aux gens, je ne sais pas, du Maroc, des États-Unis, je ne sais pas où, ce n'est pas mon problème, moi je faisais. On dit pose maintenant la main sur la tête, je suis sur la tête. On dit sur le ventre. Mais je vous dis que j'ai failli vomir toutes mes tripes. Au point où j'ai quitté le lit, je suis partie, j'ai seulement fini dans la salle de bain. J'ai dit, personne ne me voit ici. Donc, peu importe ce qui va sortir, n'importe où, c'est pas grave. Moi, mais j'ai vomi, j'ai transpiré, je dansais. Quand tu touches ici, je commençais à développer ces danses, mais c'était la folie. Donc, toutes les personnes qu'on citait, c'était pas mon problème. On dit, nous sommes déjà en Allemagne. Moi, je suis toujours en Allemagne. Tout ce qu'on mais dit, tu vois pas tout, tu vois. Je ne pas tout ça, c'est mes problèmes. Oui. Tout est oui. À la porte de spirituel. J'étais partout. Mes frères et soeurs, je vous dis que cet enseignement-là m'a fait. Est-ce que j'ai tenu toujours le téléphone parce que comme le téléphone je le tiens en main, donc il menaçait de tomber, il tombe, c'est pas mon problème. Moi je ramasse seulement. Je pose le téléphone, je tiens, je prie, je m'assois, je me lève, ça me brûle. Mais j'ai fait mourir, ça a duré des heures. Qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce qui s'est passé au juste entre ce que tu suivais et ce qui s'est passé? Comment tu peux expliquer? Non, en fait, c'était la parole. En fait, la parole qu'on disait là-bas me touchait. C'est-à-dire, elle me touchait dans l'esprit. Elle me touchait aussi systématiquement. C'est-à-dire que je ne faisais rien. Je faisais pas d'effort. C'est-à-dire qu'il y avait une puissance dans cette parole qui me touchait et ça me concernait. Ça faisait des choses. Amen. Et dès que ça m'atteignait, ça faisait des choses. La parole touchait. Je sais pas où ça touchait. Tous les points qu'on dit, moi, je sais pas comment ça faisait. On dit là-bas pour les gens, c'est la sorte. Oui, j'ai mal au ventre. Bon, moi aussi, je mets ici. Ça me touche. Tous les coins, ça trouble tout, tout ce que ça me pénétrait tout parce que c'était il y avait toujours tu disais que les ténèbres, écoutez cette voix, oui, que oui. Les ténèbres non que les ôté. Voilà que les ténèbres de ta vie soient éclairées, soient ôtées, mais c'est pas possible, ou bien que la lumière de Dieu, la lumière de Dieu éclaire les ténèbres. Ouais. Personne me demande, tu n'as pas filmé, j'ai dit comment je vais filmer des actions comme ça où quelqu'un n'a pas les habits. Je vais tout enlever, j'étais fatiguée, ça me dérangeait. J'ai dit ça gâte. J'étais dans la salle de bain, mon fils n'était pas ça gâte. Moi j'ai tout enlevé. Le centre de grandeur a choisi le moment là parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait franchement, et mon fils était parti au football le jour là, était très tôt matin. Le goût là te pète, te frappe sur le. Je dis que j'étais seule dans mon truc. J'ai commencé doucement, enlever le truc que j'avais en haut, doucement. Mais attends, à un moment donné, tu n'étais pas posé la question que mais ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je ne me pose pas. Je sais que c'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir. Je ne me pose pas la question. Je sais que c'est mon jour. Je sais que ça, c'est pour moi la en fait, c'est la délivrance. Je sais que c'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir. Comment je vais me poser la question? Parce que j'avais foi ce que j'étais en train de dire. J'avais foi. Je me dis que les ténèbres, c'est que bam, moi, je sais que c'est la puissance de Dieu agit à l'instant. Donc, à chaque fois qu'on dit, à l'instant qu'on disait, donc vous pouvez vous imaginer, du début jusqu'à la fin, toutes les prières qu'on faisait, tout le monde qui était là. Moi, elles étaient pour moi. En fait, je m'étais approprié ces choses-là. Oui. Et ça agissait au fur et à mesure. C'était vraiment mon jour. Que Dieu t'aime. Et le Seigneur, il m'a. Mais maintenant, il se tient encore avec nous, oui, maintenant. Il se tient maintenant. Là, chez Anos, là, cette voix-là parlait en s'adressant à ceux à qui il s'est adressé. Oui. Maintenant, la même voix se tient ici. La voix-là se tient ici avec nous. La voix se tient ici. D'accord. Donc. Quand il dit écoutez cette voix, écoutez cette voix, il se tient ici au milieu de nous maintenant. Amen, amen. Donc il dit, mais il ne dit pas que moi je suis ici. Il dit que la voix, parce que je ne peux pas entrer dans le micro pour entrer chez les gens, je ne sais pas où elle se trouve. D'accord. La voix se tient ici. Cette voix. C'est ça. Oui, mon frère, oui. Merci que le soir t'es bien, d'accord, mon cher. Donc pour moi aussi, particulièrement, avant ça, bon, quand j'ai connu le Seigneur. Il y avait une relation assez particulière, donc j'avais besoin des songes et à un moment j'ai commencé à voir les choses qu'on mange la nuit là. Bon, j'ai mangé peut-être trois fois la nuit comme ça là. Il y a des moments je priais, j'étais délivré. Mais particulièrement ce jour-là, j'ai eu le frère sur Skype avec mon épouse. Il m'a dit non, il y a un enseignement là qu'il faut que vous suivez. Donc j'ai d'abord, comme avec le boulot, bon, je tournais après. Un soir je mets c'était le matin, le jour que je n'ai pas travaillé. Je me suis assis dans la chambre avec madame et on suivait l'enseignement. Elle a commencé à dire, prier comme ça. Donc, madame a dit, Seigneur, moi je suis ton enfant, donc s'il y a quelque chose, là, il faut qu'il soit vraiment éclairé, il faut qu'il sorte. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc j'ai commencé à prier, quand elle m'a posé les mains comme ça, j'ai commencé à sentir un truc au niveau de la gorge. Donc au fur et à mesure qu'il parlait, j'ai invoqué vraiment le Dieu là, j'ai invoqué ce Dieu là, et ça a commencé à remonter. C'est comme ça que Charles parlait. C'est sorti. Que Dieu bénisse. J'ai pensé à tous les trucs de nuit que je mangeais. Que Dieu bénisse. Tu vomis, ça sort, Marie, du sang. Oui. Oui, mais moi j'ai vomi jusqu'au trip, la bile. C'était le sang qui sort. Quand tu finis, tu es vraiment. Et le jour là, j'étais vraiment à jeun. Très léger. Très légère. Ok. Alors, donc, je crois qu'après ça, vous allez donner d'autres témoignages. Souvenez-vous de ceci. Comme il l'a dit là. Préparez-vous seulement dans la prière en disant, Seigneur, s'il y a n'importe quoi en moi qui n'est pas de toi, expose, d'accord, que ça sorte. Vous allez sortir ici libre. Amen. On va m'asseoir. Comme ça, tu es venu, d'accord. Ça va? Oui, Angela. Ça va? Oui, tu vas prier? Oui, je m'avais prié, salut-moi. Bonne prière. Bonne prière, alors. Merci